Окей. Окей. Се стига и здра. Се стига и здра. Се стига и здра. Се стига и здра. Après cette pause longue durée, je vais pouvoir recommencer. J'ai bougé, coulé, c'est tombé. Question sentimentale, je suis limitable. Improbable que je ressentais ce qui m'empêchait vraiment de m'exprimer. L'inspiration n'était que pour elle. Sur chaque page, je rage dans mes lyriques. Je reviens avec un flow X électrique. Je coupe de pression, ma session, je perds sur un grand modèle. Mais d'elle, rien son destination, le fond d'un classe de toutes ces. Y R A Z E.